Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre entre as 20h30 e as 21h, de terça a sexta-feira. E todos os dias temos um tema. Às quartas, falamos-lhe de um artista em específico. Hoje falamos de Léo Ferré, um artista monegasco, podemos chamar assim, até porque nasceu precisamente no Mónaco, a 24 de agosto de 1916, e faleceu 76 anos depois, ou seja, em 1993, perto de completar 77 anos de idade, a 14 de julho desse mesmo ano, portanto de 1993. Léo Ferré integrou bem cedo o mundo da música. Aos 7 anos, já estava num coro do Mónaco e acabou depois por seguir, em certa parte, o rumo da música clássica. Conheceu de perto obras de artistas como Beethoven, por exemplo. Faleceu, então, a 14 de julho de 1993, em Caserina de Chianchi, em Itália, mas nunca perdeu as suas raízes franco-monegascas. Acabou por parar no mundo da música e, sendo ele também um escritor, escreveu muitas das suas músicas, ou melhor, muitas das letras das suas músicas. Foi também um compositor e muitas das melodias que gravou foram também elas escritas por si. Teve um grande fulgor, sobretudo entre 1947 e 1959. A altura em que compôs maior parte das suas músicas e em que fez maior parte das suas gravações. Vamos aqui ouvir algumas delas. E vamos começar, precisamente, com Le Bateau Espagnol, depois L'Inconnu de Londres e ainda Le Monsieur Tout Blanc. Vamos perceber que algumas das letras de Léo Ferré eram revolucionárias, anarquistas, podemos dizer assim. Era mesmo esse o género de Léo Ferré. Ele era anarquista, podemos dizer dessa forma. Era revolucionário, era alguém que tinha muitas ideias. Talvez até um pouco louco e incompreendido. Léo Ferré era mesmo assim. E acabou por marcar a sua carreira, precisamente pelo seu género literário e a forma com que escrevia. Não teve muito sucesso até haver uma conjugação ideal entre a sua capacidade de escrita e o entendimento do público que o escutava. Vamos à música, começando por Le Bateau Espagnol. São três músicas fantásticas. Duas delas mais rápidas, a terceira mais calma, a segunda uma giga-joga de palavras e de tons. Uma coisa fantástica, bem interpretada, sem igual, na voz de Léo Ferré. Seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. J'étais un grand bateau descendant la Garonne, farci de contrebande et bourré d'espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais attachée en poupe par le col. Un jour je m'en irai très loin en Amérique, donner des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau pensant et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes pontons. Je reviendrai. puisque les voyages forment la jeunesse. N'en fais pas, mon ami, je vieillirai. Rassasié d'or ancien, ployant sous les tropiques, un jour m'en reviendrai les voiles en avant. Porteur de blé nouveau avec mes coups de trique, tout seul, mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueurs. Les gens s'écarteront, saluant la Madone en poupe par le col et d'une autre couleur. Il y avait partout des cris stridents, il y avait partout des mains coupables et des bandits considérables qui me faisaient grincer des dents. Et dans la rue au mille gorges, avec son ciel qu'on ne voit plus, magnifiant mon seul écu, j'ai pu gagner le coupe-gorge. Dis-moi, fille du Nord, avec ton air tranquille, tu écumes la ville et dois gagner de l'or. Ah, répondit-elle, je suis encore pucelle, et ne suis là vraiment que par enchantement. Et l'inconnu parla comme on parle au navire, dans les ports orgueilleux que les départs déchirent. Je restais là comme un dadais, elle était belle comme un cygne, moi j'avais une de ses guignes, ce n'était pas ce que je croyais. Elle me conta des faits étranges, qu'elle habitait un ciel pervers, d'où l'on voyait tout à l'envers. Pendant ce temps-là, moi, je faisais l'ange. Dis-moi, fille du Nord, avec tes airs bizarres et tes façons barbares, tu serais mieux dehors. Je sais, répondit-elle, j'ai tort d'être pucelle. Crois-moi, en vérité, c'est ma célébrité. Et l'inconnu chanta comme on chante à l'église les dimanches matins aux messes des marquises. La chambre était au paradis d'un vieil hôtel à luminaire où l'on cultive la chimère en y mettant un peu le prix. C'est une chose épouvantable. On était presque au petit matin. J'avais beau lui faire un dessin, elle voulait pas se mettre à table. moi, fille du Nord, avec tes airs primaires, tu me la bailles amère. Je ne suis plus d'accord. Tant pis, répondit-elle, si je reste pucelle, la fin te le dira, alors tu comprendras. Et l'inconnu pleura comme on pleure au théâtre, en voyant des pantins se foutre des emplâtres. On croit trouver une âme sœur, et l'on récolte une vestale qui vient vous faire la morale dans un hôtel sans ascenseur. J'en étais là de mes pensées, j'ai senti sa main sur mes yeux, tout comme un truc miraculeux, et la dame s'est en allée. Dis-moi, fille du Nord, hélas, adieu, romance, à peine ça commence, on change de décor. Je croyais que ces demoiselles n'étaient jamais pucelles, et puis, sait-on jamais, à une exception près. Et la Vierge lassée partie, sans m'avoir eu. Ça n'était qu'un soldat de l'armée du Chalut. Antena Web, sintonia. Monsieur Doublon, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Doublon, la charité, c'est très gentil, mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Touglan, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur Toublon, entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur Doublon, si vous partez un beau matin, les pieds devant, pour vos châteaux en paradis. Monsieur Doublon, le paradis, c'est peut-être joli. Priez pour moi, moi, j'ai pas le temps, car je vivrai toujours à Aubervilliers. Avec deux bras noués autour de ma misère, on n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur Doublon, si j'enseignais la charité bien ordonné. Dans mes châteaux d'Aubervilliers, Monsieur Toublon, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner. O fundo musical destes três temas que acabamos de ouvir era o piano. E durante toda a carreira de Léo Ferré, assim foi, o piano. Sempre um instrumento fundamental nas suas composições. Certamente, porque como disse no início desta emissão, teve uma grande formação e um grande acompanhamento na música clássica. Mas Léo Ferré foi bem mais além de escrever letras, compor músicas e cantá-las ao piano. Ele foi também intérprete de muitos poemas de outros anteriores escritores. Verlaine e Rimbaud são apenas dois deles. Mas cantou tantos outros como Aragon, por exemplo. Mas os que aqui vamos ouvir são de Verlaine e Rimbaud. Le poète de 7 ans, os poetas de 7 anos, e L'art poétique. São dois temas que vamos passar a ouvir nos próximos instantes, agora com um fundo musical mais completo. Talvez também porque a época em que foram gravados era outra, já na época do estéreo, e em que era possível já outro tipo de acompanhamento musical. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent, pourtant d'éthique noire, quelques traits semblait prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés voyait des poings. Une porte s'ouvrait sur le soir à la lampe. On le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. Était surtout vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Quand lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison en hiver s'illuminait, gisant au pied d'un mur enterré dans la marne, et pour des visions écrasant son œil d'arne, il écoutait grouiller les galeux espaliers. Pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui, chétif, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversait avec la douceur des idiots. Et si, l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Forêt, soleil, rive, savane, il cédait de journaux illustrés où rouge il regardait des Espagnols rire et des Italiennes. Quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne, 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle, lui mordait les fesses, car elle ne portait jamais de pantalon, et par elle meurtrie des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre, où, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes au soir fauve, noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg, où les crieurs, en trois roulements de tambour, font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse, où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue, aux persiennes closes, au thé bleu, âcrement prise d'humilité, il lisait son roman sans cesse médité. Plein de lourds ciels au creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement des routes et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas seul et couché sur des pièces de toile écrue. Et pressentant violemment, la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant du midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Puis du plus loin, la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur. Et tout cet ail de basse cuisine prend l'éloquence et t'ennuie son coup. Et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime passagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours, que ton verre soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux, à d'autres amours, que Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym et tout le reste est littérature et tout le reste est littérature. Ouvimos agora mais uma composição musical para uma letra ou para um poema de Verlaine ou Rimbaud, não se especificar exatamente de quem é este poema, porque está no mesmo, na mesma coletânea de dois diferentes autores, Verlaine e Rimbaud, como disse, mas de um destes dois autores é certamente. A música que vamos ouvir é uma música pequena, mas que até dá um certo... Não sei explicar, gosto bastante desta melodia. Chama-se La Chanson de la plus haute tour. É um tema pequeno, mas simples. E é uma composição fantástica. Este instrumental, digamos, este fundo musical de piano, está uma coisa divinal. Mesmo como Leo Ferré gostava. E é desta forma, então, que vamos encerrar a emissão número 28 do Musicália. Hoje falamos então de Leo Ferré, este compositor, escritor, cantor, franco-monegasco, este poliglota das artes. Encerramos assim com La Chanson de la plus haute tour, esta emissão de Musicália. Estarei de volta amanhã. Quanto a falar de outros artistas, estarei de volta então de hoje a 8 dias. Tenho a continuação de uma ótima noite. Na sua rádio, a Rádio Antena Web. Fique bem. Oisive jeunesse, a tout a servi, par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, je me suis dit laisse, et qu'on ne te voie, et sans la promesse de plus haute joie, que rien ne t'arrête, auguste retraite, j'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie craintes et souffrances. Aux cieux sont partis et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la patrie à l'oubli livrée grandit et fleurit, dansant ses d'ivraie au bourdon farouche de sang sale mouche. À mille veuvages de la si pauvre âme qui n'a que l'image de la Notre-Dame, et ce que l'on prie la Vierge Marie. Oisive jeunesse, à tout asservie, par délicatesse j'ai perdu ma vie.